Activité 5B. Tendez l'oreille. Dites si vous entendez le ou les. 1. Le thème. 2. Les Français. 3. Les deux tiers. 4. Les autres. 5. Le plus souvent. 6. Les châteaux.